Chapitre 9e, le doux aveu. Le lendemain, Jacques fumait sa cigarette en se promenant seul et désolé dans le bois, où il se sentait entouré par le souvenir de Madeleine. C'était à croire vraiment que Madeleine était la fée de ce bois, car à chaque pas, Jacques la retrouvait, la sentait, la voyait. Partout où ses yeux se portaient, Madeleine était là. Jacques, sans s'en apercevoir, pleurait. Il pleurait comme pleurent les hommes quand le cœur est si plein qu'il déborde, malgré tout effort. Les larmes des hommes sont longues à faillir, et chacune d'elles cause une douleur cruelle. Jacques se disait que là-bas, dans la jungle, dans la brousse, les balles avaient chanté comme des mouches de mort autour de lui, que les lances avaient fait un cercle d'acier autour de sa poitrine, que les coupes-coupes avaient devant ses yeux tracé leur éclair qui massacre. Jacques se disait que dans le bourdonnement des balles, sous l'éclat des armes, il avait vu l'image blonde de Madeleine, son sourire qui le suivait, le protégeait. Dans le bruit de la bataille, il entendait sa voix si douce, sa voix d'enfant caressante lui dire « Jacques, mon ami Jacques, tu reviendras, pour toujours. » Et Jacques était revenu. Mais maintenant, il regrettait de n'être pas resté là-bas, pour toujours. Il regrettait la balle, qui lui perçait ce cœur si grandement endolori aujourd'hui. Le coup de sabre qui lui fait tomber sa tête, clos ses yeux où se trouvait l'image de Madeleine, fermer ses oreilles, résonner la voix de Madeleine. Jacques se disait « Hélas, si partir c'est mourir un peu, revenir c'est mourir tout à fait. » Il pleurait sur lui. Il pleurait sur ce bon repos qu'il aurait eu dans la nuit éternelle. « Je dormirai là-bas, » se disait-il, se rappelant les paroles de la démente, « je dormirai. » Et il pleurait dans ce bois tout plein d'elle, dans ce bois dont il savait la légende aussi, celle de la fée d'amour. Mais tout à coup une voix de rêve chanta à l'oreille de Jacques, une main menue et blanche se posa sur son bras, brûlée autrefois en sauvant Madeleine de l'incendie. « Jacques, pardon, » dit la voix. « Madeleine ?» fit Jacques s'arrêtant tout tremblant. Madeleine était là. Comme la fée, elle était venue sans qu'il entendît ses pas. Elle avait glissé sur les feuilles, sur les ramis, sans les faire bruire. Oh, la mère avait raison, hélas, c'était bien la fée d'amour. « Jacques, mon bon Jacques, » dit-elle encore, « pardon. » Le capitaine la regarda, se demandant si c'était bien Madeleine, ou quelque autre apparition, quelque âme qui ressemblait à Madeleine. Mais la femme avait la figure triste. Ses yeux s'entouraient d'un cercle bleu et le bord de ses paupières délicates de blonde était rougi par les larmes. Toute la nuit, Madeleine avait pleuré. « Pardon, Jacques, de vous avoir fait de la peine. »« Ma chère Madeleine, » dit Jacques, qui, trop ému, ne trouvait pas autre chose à dire. Elle reprit. « Plus que vous, j'ai souffert de votre souffrance, car c'est moi qui la causais. Oh, pardon. » « Chère Madeleine, je suis parti hier tout à coup, emporté par une douleur aussi forte qu'imprévue, et toute la nuit j'ai pleuré sur vous, j'ai pleuré sur moi. Mais ces larmes me sont chères parce qu'elles m'ont donné la certitude que je ne suis plus folle, que j'ai toute ma raison. J'ai bien toute mon âme, puisque j'ai eu pleine conscience de ma douleur. » Doucement, s'appuyant tendrement au bras du capitaine, elle poursuivit. « Jacques, mon ami Jacques, je vous devais cette entrevue, cette explication. Je dois vous faire entendre ces paroles, car elles vous révéleront la raison de ma conduite et la règle de notre vie. C'est ici, dans ce bois, où nous avons passé autrefois tant d'heures délicieuses, tant d'heures d'amoureuse inconscience, où j'étais tout à la joie de vivre le présent ainsi, où vous pensiez sans doute, vous, à l'avenir que mon pauvre cerveau ne pouvait concevoir. C'est dans ce bois peuplé de tant de souvenirs que je vous fais cet aveu. Ces paroles, qui dans ces lieux, qui nous connaissent si bien, vont monter sans arrêt jusqu'à Dieu qui nous jugera. » Madeleine, ingénument, tout chastement, dit au capitaine, « De votre bouche loyale, Jacques, jamais un mot d'amour n'est sorti pour moi, et cependant, je sais que vous m'aimez aussi fortement, aussi sincèrement qu'un homme tel que vous peut aimer, Madeleine. Écoutez-moi, Jacques. De mon côté, je n'ai pas à vouloir nier aujourd'hui, à cacher combien je vous aime. Quand cet amour est-il né en moi? Comment? C'est le mystère de ma vie. Mais il se mit à fleurir en moi à l'heure d'angoisse où je pensais mourir. Et c'est lui qui rappela et retint ici ma pauvre âme vagabonde qui flottait et allait s'envoler. J'étais comme une enfant, et comme une enfant, étonnée et ravie, devant un être grand, fort et noble, je vous aimais. Mais peu à peu je me suis retrouvée, reconquise, et cet amour tout inconscient, tout d'instinct, s'est accentué, affermi, si je puis dire, au fur et à mesure que ma raison revenait, que je prenais conscience de moi-même. Mon cœur suivit la progression de mon cerveau, et c'est à bon escient, c'est avec ma raison autant qu'avec mon âme, Jacques, que je continue à vous aimer. Si bien qu'aujourd'hui, cet amour fait partie de mon être, de moi-même, si bien que vous aimez pour moi, c'est vivre, et que vous aimez est toute ma vie. Jacques écoutait avec un ravissement, avec émotion, cette déclaration la plus forte, la plus vraie, la plus exquise aussi, et la plus chaste que jamais homme peut-être ait entendue. Il écoutait, charmé, comme dans un rêve. Il écoutait Madeleine parler, comme parfois là-bas dans les nuits merveilleuses de l'Orient, peuplées d'illusions, d'enchantements. Il avait entendu une Madeleine idéale lui dire, de sa voix d'enfant, des paroles comme celle-ci, paroles si belles, si douces, qu'elles ne pouvaient être que paroles de rêve. Il regardait Madeleine, il voyait ses grands yeux bleus qui le contemplaient, qui se miraient dans ses yeux. Il voyait son sourire, à la fois triste et heureux. Il sentait sa tiédeur, il sentait l'arôme de ses cheveux d'or. Il était sous le charme et machinalement, pour se persuader à lui-même qu'il ne dormait pas, qu'il ne rêvait pas, pour être certain que cette fée blonde ne lui échapperait pas tout à coup, ne s'envolerait pas. Il tenait entre ses mains les mains menues et pâles de la jeune femme et les serrait fiévreusement. « Maintenant, Jacques, mon aimé, reprit Madeleine, que vous êtes sûr de mon amour, que je vous ai redit, à vous, ce que malgré moi, je crie à tous, écoutez-moi, pauvre ami. Après la joie, voici la tristesse. Pardonnez-moi d'avance, si j'ouvre en votre cœur déjà trop endolori une plaie nouvelle, pardonnez-moi. Ma chère Madeleine, qu'ai-je à vous pardonner? Et quelle souffrance pouvez-vous causer mon cœur pour jamais à vous? Jacques, reprit doucement Madeleine, avant que mon cœur soit à vous, je me suis donné à un autre. Madeleine, interrompit douloureusement Jacques, pourquoi réveiller ce souvenir, pourquoi parler de ce passé qui n'existe plus? Mais avec cette douce et irréductible ténacité des femmes, Madeleine poursuivit. Armand alors était malheureux. Il me disait qu'il m'aimait. J'ai cru en lui. J'ai cru qu'il était bon, qu'il était digne d'amour. J'ai cru qu'il y avait en lui tout ce que je trouve en vous. Grandeur d'âme, générosité de pensée, vaillance. Je ne veux pas que vous gardiez souvenir de cela. Je ne veux pas que vous pensiez à ce malheur. Malheur, vous avez dit le mot, mon cher Jacques. Mais ce malheur ne se laisse pas oublier. J'ai cru que celui que vous aviez ramassé blessé au pied du calvaire du bois de Fontenay et que vous avez ramené mourant à la tilleuse était Armand. Vous avez vu l'effet de cette douleur sur moi, ma pauvre Madeleine. Or, Armand ne dormait pas, comme je le répétais, il ne dormait pas, ce n'était pas lui, le mort. Armand est revenu, mais combien différent de l'Armand d'autrefois, de cet Armand que j'aimais. Oh, c'était le même visage, la même voix, les mêmes gestes, mais ce n'était plus l'âme d'Armand. Je ne l'ai pas reconnu. Je sais, Madeleine, je sais. Mais je me dois à l'exécution de mes serments d'autrefois. Je suis sa femme. Mais chaque fois que je voyais le comte de Saint-Rion, je constatais un tel changement, une si grande différence, que j'éprouvais pour lui non plus l'indifférence des premiers jours, mais une instinctive et insurmontable aversion. J'ai vu, Madeleine, je sais. Oh, j'ai pu lui dire, à ce comte de Saint-Rion, dont la vue excitait chez moi la haine, j'ai pu lui dire que l'autre Armand, celui que j'aimais, était mort, qu'il dormait pour toujours. Eh bien, laissons cet homme, Jacques. Mon ami, je vous déclare, je vous affirme, que mon cœur est vide de lui, que mon âme est comme lavée de cet amour, et que je suis bien à vous. Oui, Madeleine. Mais voici le malheur, cet homme que je hais. Ce comte de Saint-Rion est le père de mon enfant. De Paulette, mais qu'importe. J'aimerais Paulette comme mon enfant. Paulette n'est-elle pas la fille de Madeleine? Cet homme est le père de mon enfant. Elle lui appartient. Ma fille est sa fille. Comprenez-vous bien, Jacques? Ma Paulette est aussi sa Paulette à lui. Moi, je peux haïr cet homme. Je n'ai pas le droit de priver mon enfant de son père. Et lui, il a le droit de réclamer son enfant. Voilà notre malheur, Jacques. Voilà notre malheur. Le capitaine anxieux regardait Madeleine. Elle poursuivit fébrilement. Ah, si Paulette, que j'ai cru morte, dormait vraiment. Dormait pour toujours, je porterai le deuil de mon enfant. Aucun lien ne me rattacherait à cet homme et je pourrais être votre femme, puisque vous oubliez ce passé, puisque vous déchirez, détruisez ce douloureux feuillet de ma vie, puisque vous aimez votre Madeleine comme elle est. Puisque je l'adore et la vénère, mais Paulette est vivante. Ce n'est pas sûr. On sait qu'elle a été sauvée de cet incendie auquel, mon bon Jacques, vous m'avez arraché. Si Paulette est encore vivante, je n'ai pas le droit de disposer de moi. J'appartiens à son père comme Paulette lui appartient. Le comte de Saint-Rion, si l'on retrouve sa fille, usera de ses droits sur son enfant. Il la gardera. Je ne voudrais pas me séparer de ma fille, et je serai forcé de me plier à la fatalité, de redevenir la femme de cet homme. Vous, la femme de cet homme? Hélas! Non, Madeleine, non, cela jamais. Votre amour maternel ne doit pas vous pousser à pareil sacrifice. Paulette est mon enfant. Je ne veux pas que cet homme seul ait ma fille. Je la veux à moi, je la veux mienne. Mais vous, Madeleine, toute de grâce, de douceur, de beauté, vous, fleur femme, vous, la dernière fée oubliée sur la terre, vous, Madeleine, aux mains de ce misérable, non, non, ce n'est pas possible. Doucement, Madeleine apaisa le capitaine. Écoute, Jacques, écoute-moi bien, et comprends-moi. Tu es homme, tu es soldat, plus que tout autre. Tu dois comprendre le devoir, le sacrifice. La mère que je suis a son devoir aussi. Et la femme doit en sacrifier. Il est des devoirs, des sacrifices qui sont illogiques, inhumains, qu'on ne doit pas remplir. Toi, un soldat, dire cela, ne pas faire son devoir, quel qu'il soit, est lâcheté, est honte, et le sacrifice n'a pas de limite puisque c'est un sacrifice. Mais se faisant plus tendre, écoute-moi encore, mon Jacques, j'ai été tout à l'heure dit combien je t'aimais. Je te jure encore que je t'aime. Et tu seras la femme de cet homme. Je suis la mère de Paulette. Et parce que tu es la mère de Paulette, tu briserais deux existences, tu marcherais sur notre amour, tu déchirais ta vie, la mienne, tu nous tuerais lentement. Et un seul serait heureux dans tout cela, cet homme, ce misérable que tu es. Allons, c'est impossible, c'est folie. Comme Madeleine voulait parler encore, vivement le capitaine la prit dans ses bras et la serra contre sa poitrine. Non, non Madeleine, cela ne se fera pas. Tu es à moi, je te garde. Je te garderai, entends-tu, et tu seras à moi. L'amour de femme, d'épouse est aussi fort, sinon plus, que l'amour de mère. Et j'ai ton amour de femme, tu es ma femme. Comme tu es aussi mon enfant, tu me dois la vie, et tu me dois ton retour à la raison. C'est moi, enfin, qui ai refait la divine Madeleine que tu es. Et tu crois devoir jeter tous ces trésors de beauté, de charme, de tendresse à cet homme, parce qu'en une heure d'oubli, de faiblesse, d'inconscience de ta part, de calcul, de perfidie et de trahison chez lui, parce qu'en cette heure fatale, il a été le père de ton enfant. Allons, c'est folie. Moi, j'ai toute ta vie, toute ton âme. Et c'est lui que tu choisirais. C'est moi que tu sacrifierais. C'est folie, te dis-je. C'est impossible. Et je te le jure, quoi qu'il arrive, je le jure, Madeleine, cela ne sera pas. Jacques, mon aimé, écoute. Non, Madeleine, je ne veux plus rien entendre. Maintenant, mon cœur déborde. Écoute-moi à ton tour. Cette heure est solennelle. C'est notre vie qui se joue, et je défends ma vie. Tu as voulu me parler ici pour que tes paroles montassent sans obstacle droit au ciel. Et c'est devant Dieu, qui nous entend, que je te parle aussi. Le capitaine, tout vibrant, reprit après un court silence. Je ne t'ai jamais dit un mot d'amour parce que tu étais pour moi la sainte qu'on adore et qu'on ne peut toucher. Parce que ce bonheur de savoir que tu pouvais m'aimer m'apparaissait si grand que je doutais toujours de sa réalité. Je pensais que pareille félicité n'était pas pour la terre, et j'avais peur de la voir s'évanouir comme un rêve. J'avais peur d'aimer la fée d'amour. Mais toi-même, Madeleine, tu m'as donné l'assurance de ton amour. Oui, Jacques. Maintenant, j'ai le droit de te dire que je t'aime, que je t'adore, que tes yeux sont mon ciel. Que ton souffle est l'air dont je vis, que ton âme est mon âme, que ton cœur fait battre mon cœur, que tu es non seulement mon bonheur, mais que tu es ma vie. Oui, Jacques. Madeleine, le baiser que tu m'as donné au départ, le seul que j'ai reçu de toi, baiser d'inconscience encore, je l'ai gardé. C'était mon gage de retour. Madeleine, chère aimée, douce et chaste adorée, tu es mon rêve d'Orient réalisé, tu es ma poésie de France faite femme. Tu es mon univers, tu es mon tout ici-bas, tu es ma Madeleine. Jacques, dit tendrement la jeune femme, je t'aime. Jacques frémissait, la regardait comme enivrée. Elle se haussa un peu sur le bout des pieds et approcha ses lèvres des lèvres du bien-aimé. Madeleine, Jacques, pour toujours, pour toujours. Mais Madeleine se détacha doucement de cette étreinte passionnée. Mon bien-aimé, Tu sais maintenant que ta Madeleine est bien à toi, et c'est loyalement qu'elle t'aime comme tu l'aimes. C'est à la face de tous, comme sous l'œil de Dieu, que fleurira notre amour. » Puis Caline, souriant en présent, elle ajouta : « Viens, plus de peine, plus de barre au front, plus de tristesse dans les yeux, rentrons, ramène ton aimé à la maison. » Elle passa sa main sous le bras de Jacques. « Marchons. Laisse-moi confiante en toi, sûre de toi, m'appuyer près de ton cœur aussi loyal que bon, sur ton bras qui porte la cicatrice de la terrible brûlure reçue en sauvant celle qui devait être ta Madeleine. » Et elle ajouta : « Sais-tu, mon Jacques, que cette cicatrice est comme la signature du contrat qui lie nos deux existences à jamais. C'est l'entête du chapitre de bonheur qui commence pour nous ce jour-là. Cette cicatrice veut dire « J'ai risqué ma vie pour sauver Madeleine que j'aime, et Madeleine m'a donné sa vie. »